idées. Parce qu'on veut défiler mes dettes. Après la paix, j'ai liquidé ce qui me restait d'humanité. Every day, sera un nouveau jour de paix. Genre bonjour et nuit, passer l'hiver au soleil. Défiler mes dettes. Après la paix, j'ai liquidé ce qui me restait d'humanité. Tous les jours une nouvelle galère, on s'en remet à Dieu. Jure c'est beaucoup mieux qu'avant, l'espoir dans les yeux. Tous les jours un nouveau salaire, et je fais pétiller ses yeux. Demain sera meilleur qu'hier. Si la violence a des fils, je suis certain d'être leur oncle. Je suis dehors quand tu ronfles. Tous les vices qu'on a pu mettre en œuvre pour faire des heures. Petit con, c'est everyday, everyday. C'est parti d'une idée, je suis trop serein, je suis trop équipé pour les éviter. Nervosité, parce qu'on veut défiler mes dettes. Après la paix, j'ai liquidé ce qui me restait d'humanité.